couleur des panneaux de direction fournit des informations au conducteur. Le vert est utilisé pour la signalisation des villes importantes sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre elles. Dans cet exemple, Lons-le-Saunier est relié à Bourg-en-Bresse et à Besançon. Sur cet itinéraire, les autres villes indiquées sur fond blanc n'ont pas la même importance. La ville la plus importante est bien Lons-le-Saunier. Réponse A.